T'aurais voulu descendre les tours d'une averse. T'as misé sur le sang, prié les groupes renverses. Vous pourrez faire la chance, il en reste quelque chose. T'aimes dans les corps, cette gamme s'automutile en pause. Les avions qui s'écrasent. J'avais une petite retourne à la base. Je prends tous les avions qui s'écrasent. Prochain qui m'éclaire, c'est pas ma tour de bon. J'panique avec panache, tu filmes avec talent. Des sourires à la roche, dessinés par le vent. Moi je réponds pas au nord. J'ai pas besoin de ton maître, je veux faire la piste noire. La nuit les pentes sont raides, la terre rose dérisoire. J'prends tous les avions qui s'écrasent. Allez, faut faire mieux, préférons s'abstenir.